Cependant, pour un œil clairvoyant, son ivresse, à lui, n'était pas sans mélange. Se sentait-il vaincu dans son pouvoir de despote, humilié dans son art de terrifier les cœurs et d'engourdir les esprits, frustré de ses espérances et bafoué dans ses prévisions? De telles suppositions, non exactement justifiées, mais non absolument injustifiables, traversèrent mon esprit pendant que je contemplais le visage du prince, sur lequel une pâleur nouvelle s'ajoutait sans cesse à sa pâleur habituelle, comme la neige s'ajoute à la neige. Ses lèvres se resserraient de plus en plus, et ses yeux s'éclairaient d'un feu intérieur, semblable à celui de la jalousie et de la rancune, même pendant qu'il applaudissait ostensiblement les talents de son vieil ami, l'étrange bouffon, qui bouffonnait si bien la mort. À un certain moment, je vis son Altesse se pencher vers un petit page placé derrière elle et lui parler à l'oreille. La physionomie espiègle du joli enfant s'illumina d'un sourire, et puis il quitta vivement la loge princière comme pour s'acquitter d'une commission urgente. Quelques minutes plus tard, un coup de sifflet aigu, prolongé, interrompit Fancioul dans un de ses meilleurs moments et déchira à la fois les oreilles et les cœurs. Et de l'endroit de la salle, d'où avait jailli cette désapprobation inattendue, un enfant se précipitait dans un corridor avec des rires étouffés. Fancioul, secoué, réveillé dans son rêve, ferma d'abord les yeux, puis les rouvrit presque aussitôt, démesurément agrandi, ouvrit ensuite la bouche, comme pour respirer convulsivement, chancela un peu en avant, un peu en arrière, et puis tomba, roide de mort, sur les planches. Le sifflet, rapide comme un glaive, avait-il réellement frustré le bourreau? Le prince avait-il lui-même deviné toute l'homicide efficacité de sa ruse? Il est permis d'en douter. Regretta-t-il son cher et inimitable Fancioul? Il est doux et légitime de le croire. Les gentilshommes coupables avaient joui pour la dernière fois du spectacle de la comédie. Dans la même nuit, ils furent effacés de la vie. Depuis lors, plusieurs mimes, justement appréciés dans différents pays, sont venus jouer devant la cour de... Mais aucun d'eux n'a pu rappeler les merveilleux talents de Fancioul, ni s'élever jusqu'à la même faveur.